toute ma vie, la rose plantée au bord de l'eau, la petite chantilly. Marietta, oh, tu es mon amour. Marietta, oh, oh, tu es mon espoir. Tout amour s'aimer, tôt ou tard, fleurira. Tout amour s'aimer, tôt ou tard, fleurira. J'ai la famille, les miens et ceux du zoo, grâce à qui j'ai grandi comme un roseau. Mais des fois la nuit seule et amère, j'attends ma rose au bord de l'eau. Prie pour que revienne ma plus belle côte, la chair de ma chair après ma mère et sa mère. La haine est une force moins puissante que l'amour. On respire, relativise le parcours. Et quand je passe, les frères ont le pouce levé. Mais j'avais que tôt ou tard ils fleuriraient. Gentillesse et faiblesse qu'avec les cons. Moi je prends dans mes bras les gens car Dieu m'envoie les bons. On s'était donné RDV dans 10 ans mais on s'est souvent pas lâché. Un fleurilège de visages dans ma tête, mon présent, mon passé. Nègre ou caucasien, aux hommes et femmes qui m'ont fait et que je revois à l'occasion. Car c'est si bon de se sentir aimé, chéri, considéré par une société, un clan, une famille, une femme, des enfants, des amis. Faut qu'on aime aimer. L'espoir de toute ma vie, la rose plantée au bord de l'eau, la petite chantilly. Chantilly, Marietta, oh, tu es mon amour. Marietta, oh, oh, tu es mon espoir. Mon espoir, tout amour s'aimer, tôt ou tard, fleurira. Tout amour s'aimer, tôt ou tard, fleurira. Ma chère mamie, yo-yo. T'as passé ton temps à semer de l'amour, comme le petit pousset. Tout ce qu'on investit dans le sol finit un jour par pousser. La petite fleur au bord de l'eau, c'est peut-être ma fille, c'est peut-être ma vie, c'est peut-être mon hall. Parce que fallait que j'apprenne à en sortir, comment respirer avec une balle de plomb à amortir. Tu comprendras plus tard au dire des parents, et devine ce qui s'est passé quand je suis devenu plus grand. Semer de l'amour, fallait que je l'apprenne, parce que plus petit, c'est moi qui apprenais à le semer. Une femme, un amour, il est maternel. J'ai une fille, je l'aime, je l'ai appelée comme elle. J'ai semé de l'amour dans ce putain de once. J'ai eu des fleurs sans tête, corrompues de ronces. J'aime, je donne et peut-être je reçois. Je dis la vérité et ça, même si ça déçoit. La tête entre les mains, certains soirs. Mes rêves ont ventre vide parce qu'ils se nourrissent d'espoir. L'espoir de toute ma vie, la rose plantée au bord de l'eau, la petite chantilly. Chantilly, Marietta, oh, tu es mon amour. Marietta, oh, oh, tu es mon espoir. Mon espoir, tout amour s'aimer, tôt ou tard, fleurira. Fleurira, Marietta. Tout amour s'aimer, tôt ou tard, fleurira. Ma chère mamie.